Bonjour. Vous allez rentrer dans l'hôpital du Rouvray, vous venez travailler? Oui. Vous pensez quoi du blocage? Parce que vous êtes dans votre voiture, là, vous êtes au milieu du carrefour. Je suis un peu embarrassé, oui. Vous êtes au milieu? Je suis mal placé. Et vous comprenez les raisons de cet accent? Oui, mais j'ai l'impression qu'ils vont se mettre à dos la population plus que ça va soutenir le mouvement. Enfin, c'est leur mouvement. Hein. Bonjour Thomas. Salut. Depuis l'année dernière, t'es toujours là? Bah toujours, ouais. Pareil. Dans la grille? Ouais, ici sur la Terre Pro d'aujourd'hui, sur la grille, mais après, tous les matins, depuis là, pour moi, 2 semaines, sur les Interpro qui sont ailleurs. Mais c'était vachement bien de venir ici parce que faut que les gens aient aussi de la santé et comprennent qu'ils sont carrément impactés par le mouvement, par la réforme de la retraite qui s'annonce. Et donc on voulait vraiment sensibiliser un peu les collègues de l'hôpital qu'ils étaient concernés, quoi, qu'il fallait qu'ils se bougent aussi par rapport à ça. Quoi. Donc là on est assez content parce que c'est vrai que c'est plutôt bon enfant, les collègues qui comprennent vraiment bien, ça réagit plutôt bien. Donc c'est bien. Alors, j'en ai trouvé un qui trouvait que vous risquiez de vous mettre la population à dos, enfin qu'on risquait de se mettre la population à dos. Pour l'instant elle n'a pas l'air opposée la population. Non, la population, il faut aussi qu'elle comprenne qu'elle est... Elle est impactée par cette retraite-là, par cette réforme-là. Donc si jamais... De toute façon, on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord, c'est certain. Et je pense que du coup, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on prenne aussi le temps d'expliquer gentiment et calmement aux gens pourquoi on fait ça, quoi. Et finalement, je trouve que globalement, c'est vrai que ça se passe bien. L'autre jour, on a bloqué un train en gare de Wassel. On a discuté vachement avec les passagers, c'était vraiment sympa. Alors c'est vrai, il y a eu à un moment donné, il y a eu une dame qui était vraiment pas contente, qui s'est un peu engueulée avec des gilets jaunes, mais globalement... Bon, on arrive quand même, je trouve, vachement à discuter avec les gens. Moi, je trouve ça vachement bien, quoi. Et là, sur l'hôpital du Rouvray, ça avance pas trop, par contre? Ça avance pas. Alors, ça a un peu avancé récemment parce que il y a eu le rapport de la contrôleuse des lieux de liberté qui a été vraiment défavorable et qui a montré que les revendications du collectif et des plaintes syndicales étaient carrément justifiées. Donc, elle a sommé le directeur de prendre des mesures qui sont celles qu'on réclame, nous, depuis des années. Mais s'il n'y avait pas eu ça, franchement, le protocole n'était pas respecté, la situation est complètement dégradée, les médecins se tirent, mais il y a une vraie hémorragie de médecins en ce moment. Ah ouais, c'est incroyable. Psychiatre. Ouais. Alors il paraît que le directeur, il essaie de comprendre, mais en même temps, il nous dit que c'est la faute du mouvement social d'il y a 2 ans. Bon, les médecins, lui disent non, ça n'a strictement rien à voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se tire parce que le fonctionnement, que la politique qui mène ici est carrément intenable. Donc... ça va devenir vraiment, vraiment un problème dans les mois qui vont venir. On n'a plus de médecins là-dedans, quoi. C'est vraiment dingue. Vraiment dingue. Là, on continuera à venir ici à 6h du matin. Il faut, puis on ira ailleurs. Ouais.